Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'aventure commence dans une station de montagne, quelque part en France, en Haute-Savoie, plus précisément à Vargèse. Commune imaginaire, mais très courue puisque le Maharaja de Gopal, dans la vallée des Cobras, et plus tard Tintin, Milou, Haddock et Tournesol y passent des vacances. L'aventure se poursuivra, on le sait, dans d'autres montagnes, plus exotiques, plus mystérieuses et hantées par le fameux Yeti. Tintin au Tibet, une histoire d'amitié toute illuminée par la neige. Un feuilleton diffusé les mardis, jeudis et samedis, feuilleton prolongé par le courrier des auditeurs de tous âges. Dont voici les quatre premiers épisodes de Tintin au Tibet, proposés pour la première fois sur France 2 régionale, les 27 et 29 septembre, 1er et 4 octobre 1960. Un document INA. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé. Un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale de Vincent Vial, réalisation René Villemain. Aujourd'hui, Tintin au Tibet, premier épisode. Ces sapins, cette terre pure. Moi, je trouve ça merveilleux, tu sais. Pas moi. Oh, toi. Toi, tu n'es jamais content, alors. Oh là. Paresseux, tu n'as pas honte? Non. Ouais. Je vois, il n'y a rien à tirer de toi ce soir, hein. Ça. Mais oui, nous arrivons bientôt. Tiens, regarde le pays en contrebas. Encore un petit effort, mon chien. Allez. Oh là, tu en tires une langue. Bon, alors pressons-nous. D'ailleurs, la nuit approche et le capitaine doit commencer à s'inquiéter. Haddock. Tiens, je crois le reconnaître. Mais oui, pas de doute, c'est bien lui. Où? Là, sur la terrasse de l'hôtel, il lit son journal. Attends. Ah, il nous a vu aussi. Allez vite, Milou, en pas de course. Allez vite, viens. Oui, moi je suis un peu de la vie de Milou. Faire de la montagne, c'est bien, mais à condition d'être parfaitement équipé. C'est le cas de notre ami Tintin, mais le pauvre chien, lui, va par monts et par vaux, pattes nues. Il en a vu d'autres, bien sûr, mais enfin tout de même. Ah, voilà l'hôtel des sommets. C'est là que nos amis ont pris pension, et le jeune reporter gagne directement la terrasse de l'établissement. Alors, fiston. Bonsoir, capitaine. Passez une bonne journée. Excellente. Et vous? Fatigué, j'imagine. Oh oui. Oh oui, éreinté, mais heureux comme un roi. Tenez, asseyez-vous. Ah, merci. Ah, la montagne, que c'est beau. Mon Dieu, que c'est beau. Les sommets enneigés, les vallées vertes, les prairies pleines de fleurs, les vaches avec leurs cloches, les bois de sapins. Ah, c'est un enchantement perpétuel, la montagne. Vous devriez m'accompagner, capitaine. Bon, rien qu'une fois que je vous montre tout ça, voyons. S'obstiner à grimper sur des tas de cailloux, se tordre les pieds, et puis les crevasses, les précipices, les avalanches. Merci. Très peu pour moi, hein. Et tout ça, pourquoi je vous le demande? Pour redescendre après. Alors? Raison. Parfaitement, j'ai raison. Capitaine, voyons, le goût de l'effort pour l'effort, c'est ça qui est excellent. Ah non! Pour moi, voulez-vous que je vous dise? Les montagnes, on devrait les raser. Psst. Oh! Bravo. Comme ça, les avions n'iraient plus s'écraser contre les sols. Enfin, capitaine, je ne vois pas ce que les avions... Tenez. Lisez, le journal. Quoi? Eh bien, encore un avion qui a percuté contre une montagne au Népal. Catastrophe aérienne au Népal. Katmandou, on apprend qu'un appareil de la ligne régulière... Alors? Pauvres gens, 14 passagers et 4 membres d'équipage, 18 personnes... Ouais, voilà à quoi elles servent, vos belles montagnes. Oh, je me demande... Oh, Tintin, la cloche du dîner. Attends, je meurs de faim. Allons-y. Je vous suis, capitaine. Moi aussi, je meurs de faim. « Inutile de préciser que ce soir, tous les plats du menu sont bien accueillis à la table de nos amis. L'air de la montagne, ça creuse. Enfin, une heure plus tard, les clients de l'hôtel sont passés au salon, qui pour prendre le café, qui pour jouer au bridge, bavarder ou tricoter. Haddock et Tintin, eux, s'affrontent dans une très belle partie d'échecs. Ah ah, Tintin vient justement de mener une attaque qui embarrasse fort le vieux marin. Il réfléchit longuement, envisageant l'une après l'autre toutes les parades. Les paupières de son adversaire se font lourdes, lourdes. Il a bien sommeil. Tout à coup, le visage de Haddock s'éclaire. Il va passer à la contre-attaque. Je sacrifie mon fou, d'accord. Mais ce sacrifice ne sera pas inutile, car je lui prends sa tour et paf, échec au roi. Bravo. Ah, mon cher Tintin, je crois que tu ne t'attends pas à ça. Allons-y. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on n'a pas l'idée d'éternuer comme ça, mille millions de mille secondes, c'est insensé. Mais je n'ai pas éternué. Bah, jamais regardé autour de vous. Oh là, je suis confus. Bah, au moment où j'allais vous mettre en échec. Et puis, vous ne pouvez pas éternuer en faisant achoum comme tout le monde. Bah, qu'est-ce que j'ai fait alors? Bah, vous avez fait Chang. Chang? Oui. Vous êtes sûr? Mais parfaitement. Chang? Oh, j'ai dû m'assoupir, c'est ça. Oh, je viens de faire un horrible cauchemar. Un cauchemar? Mais oui, j'ai rêvé de mon ami Chang, un jeune chinois que j'ai connu il y a quelques années. Mais oui, j'ai... Oh, je l'ai vu comme je vous vois, c'était effrayant. Bah, expliquez-vous. Il était blessé, à demi enseveli dans la neige. Oh, je me rappelle maintenant, il tendait les mains vers moi en m'implorant. Tintin, Tintin, viens à mon secours. Oh, c'était hallucinant. Allons, remettez-vous, ce n'est rien. Mais vous tombez de sommeil, allez vous coucher. Une bonne nuit par là-dessus, et il n'y paraîtra plus. Oh, je crois que vous avez raison, capitaine. Bonne nuit, capitaine, bonne nuit. Bonne nuit, fiston. Allez, Milou, viens, on va dormir. Oh, chic. À demain matin. Oui, et encore pardon pour la partie d'échecs. Nous la reprendrons demain. C'est ça, demain. Oh, est-ce que j'ai sommeil? Oh là là là là là. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langey, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, et Milou. Bonjour. Prise de son, Jean-Jus Forgue, bruitage et effet sonore, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri, réalisation, René Villemet. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous avez très largement profité de vos vacances. Aujourd'hui, avec le feuilleton de Tintin, reprend notre petit courrier. Courrier qui vous permet à vous, auditeurs de 7 à 77 ans, de nous dire ce que vous pensez de nos émissions. Et à nous de répondre aux nombreuses questions que vous posez, de donner suite aussi à vos suggestions. Ainsi, vos lettres de la dernière saison, demandez que le feuilleton soit reporté un peu plus tard dans la soirée. La RTF a entendu votre appel et les aventures de Tintin passeront désormais de 19h36 à 19h47, ce qui représente aussi un gain de temps d'une minute par émission. Remercions donc la direction de la RTF et tous nos auditeurs d'être fidèles, attentifs et exigeants. Ouvrons donc l'énorme dossier courrier. Plusieurs jeunes nous conseillent encore de faire des films avec les aventures de Tintin, qu'ils se rassurent. Il est question de tourner un film et c'est, je crois, une coproduction franco-japonaise. Vous avez des précisions là-dessus, Nicole? Non, pas tellement. Non, eh bien nous en aurons, j'espère. De nombreux amis de notre héros demandent que nous fassions des disques. De cela aussi, il est question. Nous vous en reparlerons bientôt. Une autre suggestion que nous retenons. Des petits concours à l'issue du feuilleton. Nous étudions ça très sérieusement, c'est promis. Une jeune Catherine nous prie de diffuser au mois d'octobre Le secret de la licorne et le trésor de Rackham le Rouge. Mes chères petites Catherine, ces deux ouvrages ont été diffusés par la RTF du 24 décembre 59 au 26 mars 1960. Eh bien voilà Nicole, une jeune auditrice qui nous découvre un peu tard. J'espère que maintenant elle nous écoutera régulièrement. Nous avions au mois de juin posé la question suivante à notre trépidante auditoire. Quel est l'ouvrage d'Hergé adapté par la RTF que vous avez le mieux aimé? Les uns ont choisi l'étoile mystérieuse et sa grosse araignée, Ceux-là aiment avoir un peu peur. Certainement, oui. D'autres ont préféré Rackham le Rouge, les sept boules de cristal, le temple du soleil, le sceptre d'Ottokar, etc. Enfin, toute la série y passe. Quant à notre jeune amie Valentine Perelli, elle assure les avoir toutes aimées passionnément. Merci, Valentine. Enfin, gros succès personnel de Milou, que tout le monde encense, qu'on voudrait prendre en pension, auquel on envoie des tas et des tas de caresses. Il est formidable, nous écrit Thierry plus Kelleg de Quimper. Enfin, le cri unanime est maintes fois répété, que le feuilleton soit plus long et qu'il passe tous les jours. Alors là, je crois que nos jeunes amis exagèrent un peu quand même. De toute façon, il est un peu plus long cette année. On a gagné une minute, oui. La RTF a fait ce qu'elle a pu pour les satisfaire. La durée de chaque feuilleton est augmentée et la fréquence de l'année passée demeure, c'est-à-dire 3 fois par semaine. Si l'on en croit les études sérieuses, les sondages de spécialistes, les résultats de notre enquête personnelle, il vaut peut-être mieux nous en tenir à ces 3 jours. Les autres vous permettent d'écouter des émissions aussi intéressantes, et puis ça change un peu. Bravo à Catherine Mazet, qui vient d'entrer en 6e. Le jeune François Tillier nous dit... Je trouve que Tintin, Dupont-Dupont et Haddock ont la voix qu'il faut, et en particulier Milou. Il est très amusant, les bruits sont bien imités, la musique est très bien. J'ai l'habitude, ajoute Thierry, car je fais du piano. Merci Thierry. Merci aussi à Madame Bamet de Montpellier, à Marie-France et Michel du Bourget, à Denis Fontaine, à Marie-Françoise et Bertrand qui nous envoient un si joli dessin, à Jacques Bailly et à sa petite sœur Nicole. Meilleure santé Nicole. Enfin merci à tous. Afin de garder le contact, nous vous demandons ce soir votre avis sur la nouvelle heure de diffusion. Vous convient-elle? Dites-nous aussi tout ce qui vous passe par la tête à propos de Tintin de la RTF. Donnez-nous des conseils, faites-nous des suggestions, critiquez-nous si quelque chose ne va pas pour vous. Mais voici l'heure de nous quitter. Nous vous retrouvons jeudi prochain pour un nouveau petit courrier. Et au revoir à tous. Bonsoir. La radiodiffusion Télévision Française présente... Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation René Villemain. Aujourd'hui, Tintin au Tibet, 2e épisode. Tintin termine ses vacances dans un village de montagne où il a pris pension avec Milou, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol. Un soir, après une escalade particulièrement fatigante, Tintin, au cours d'une partie d'échecs avec Haddock, s'endort durant quelques secondes. Il est réveillé brusquement par un cri sorti de sa propre bouche. Il vient d'avoir un cauchemar affreux. Le capitaine lui conseille alors d'aller se coucher. Le lendemain matin, le loup de mer, toujours tôt levé, prend son petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel des Sommets. Tout à coup, il entend un aboiement joyeux et reconnaît aussitôt la voix de Milou. Ah, oh, vous voilà! Salut Milou! Salut fiston! Ah, bonjour capitaine! Bien reposé? Oh, ça... Plus rêvé? Oh non, ça, plus rêvé. Mais pas fermer l'œil non plus. L'image de Chang enseveli sous la neige m'a poursuivi toute la nuit. Oh, vous savez ce qu'on dit, songe, mensonge. Oui, évidemment. Asseyez-vous, je vous verse votre café. Merci. Ah, j'oubliais. Cette lettre pour vous. Une lettre pour moi, tiens. Oui, elle vient de Hong Kong. De Hong Kong? Vous permettez, capitaine, que... J'en prie. Merci. Oui, une minute, Milou. Je m'occupe de toi après. Une minute, attends, tu veux? Attends, mon vieux Milou, je vais m'occuper de toi, tiens. Merci. Tu peux bien m'écrire de Hong Kong. Bah, c'est la signature, vous le dira. Tchao! Ah, non! Non, 1000 milliards de 1000 sabots. Mais qu'avez-vous? Oh, bah, cette fois, vous n'allez pas me dire que vous rêvez. Mais non, capitaine, non, voyez, c'est réellement une lettre de Chang. Encore Chang? Chang! Oh, avouez que la coïncidence est étonnante, non? Hier au soir, je le vois en rêve, ce matin, je reçois une lettre de lui. Ce n'est pas curieux, ça? Si, évidemment, dans un sens. Et que veut-il, votre Chang? Chang, capitaine, Chang. Va pour Chang. Alors? Eh bien, alors, écoutez. Cher et irremplaçable ami. Ah, c'est gentil, ça. Ah, oui, c'est le style. Le frère de mon vénérable père adoptif, établi à Londres, me propose d'aller le rejoindre là-bas pour travailler avec lui. Quoiqu'indigne d'une telle faveur, j'ai accepté. Je prendrai donc l'avion pour l'Europe demain, mais comme je désire revoir votre noble et vertueux visage, je me permettrai de venir vous voir. Oh, Chang arrive ! Oh, c'est magnifique, vous verrez, capitaine. Chang est un modèle d'amabilité, de gentillesse, un cœur d'or, je suis sûr qu'il vous plaira. Chang ! Ah oui, tu l'aimes bien toi aussi, notre ami Chang, hein, Milou? Oui. Tiens, voilà Tournesol. Eh bien, Tintin, vous valsez avec Milou, maintenant. Eh, bonjour, professeur, oui, je valse avec mes chiens, et vous savez pourquoi? Parce que je suis très content. Ah oui, comme au bon vieux temps, hein. Oh, ce cher ami, toujours à côté de la question. Je suis content parce que mon ami Chang arrive. Chang, oui, mon bon ami Chang, il passera nous voir avant d'aller en Grande-Bretagne. Hein? Que dites-vous, du champagne à cette heure-ci? Oh, non. Pauvre tournesol. Chang arrive. Ah, je suis tellement content de revoir Chang, si vous saviez. Oh, vous avez tort, capitaine, de lui faire boire du champagne à ce garçon, vous savez. Quoi? Enfin, vous ferez comme vous voudrez, et moi, ce que je vous en dis, hein, c'est pour son bien. Parfait. Vous avez raison, j'y penserai, d'accord? Je comprends parfaitement que vous ayez des remords. Allons, tenez, asseyez-vous, ça vaudra mieux. Asseyez-vous! Vous permettez que je m'asseye? Oui! Alors, merci bien. Dites donc, Tintin. Oui, capitaine. Quand arrive-t-il votre fils du ciel? Attendez, il doit nous le dire dans la lettre. Alors, voilà. Oh, mais c'est du miel sauvage, ça. Je quitterai Hong Kong demain pour Calcutta. De là, je prendrai l'avion pour me rendre chez mon honorable cousin qui habite à Katmandou, au Népal. Katmandou? Hein? Katmandou? Ah bah quoi, Katmandou? Capitaine, l'avion qui s'est écrasé au Népal, c'est celui de Katmandou. Vous êtes sûr? Le journal de ce matin, vite, capitaine, vite! Tenez-la. Voyons. La catastrophe aérienne du Népal est... Tonnerre! Pas de survivants. Oh, malheur. Chang. Mon pauvre Chang. Lui, si jeune, si bon. Oh, c'est pas possible, c'est pas juste, c'est pas possible, c'est... Oh, cette cloche me fait la terre! Allons, remettez-vous, fiston. Et voilà ce qui arrive quand on a bu trop de champagne. Oh, vous, avec votre champagne. Nous le reverrons plus jamais. Mais hélas. Et puis non. Non, Chang n'est pas mort. Pas mort? Non. Non, il vit, j'en suis sûr. Dans mon rêve, il était encore vivant. Oui, mais ce n'était qu'un rêve. Ce n'était pas un rêve ordinaire. Mais que voulez-vous dire? C'était un rêve, comment dit-on? Un rêve prémonitoire ou télépathique. Et Chang est vivant, je le sais. Mais voyons, Moussaillon, réfléchissez. Non, il est vivant, je vous le dis. Il est vivant. Je boucle ma valise et je pars au Népal. Pour le Népal? Mais attendez-moi, non, voyons. Il faut sauver Chang. Mais c'est de la folie. Allez, c'est ça, capitaine. Allez le remettre au lit. Mais ça lui permettra de cuver son vin. Mais Tintin, écoutez-moi. Non, il faut aller là-bas, il le faut. Il le faut, car Chang n'est pas mort. Chang est vivant, mon rêve me l'a dit. Il est vivant, vivant, vivant. Toi, Milou. Chang! Mon Dieu! Hein? Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacques Ealing, le capitaine Haddock, Jacques Dufilot, Tournesol, Frédéric, la cliente, et Milou. Prise de son, Jean-Jus Forgue. Bruitage et effet sonore, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial. Assistante, Michel Pietri. Réalisation, René Villemet. Eh bien, voilà une aventure qui s'annonce comme devant être passionnante. Nous ne vous en disons pas plus. Vous jugerez vous-même en écoutant très régulièrement le feuilleton de la RTF. Et en attendant, ouvrons le dossier courrier, Nicole. Rappelons tout de suite à Anne-Marie et Bernadette Laroussini que les deux histoires de science-fiction d'Hergé, Objectif Lune et On a marché sur la Lune, seront adaptées pour la RTF sitôt après Tintin au Tibet. Beaucoup de lettres ont été adressées personnellement à Tintin. Nous lui laissons donc ce soir le soin d'y répondre ici. Tintin. Merci. Tout d'abord, je veux remercier tous mes jeunes amis, qu'ils soient de la France continentale, de l'Algérie, de la Réunion, de la Martinique ou de la Guyane. C'est vrai, on vous écoute dans tous les coins du monde. J'en suis très flatté, mais je me trouve absolument dans l'impossibilité de répondre par écrit à toutes les lettres que je reçois. Alors je prie tous nos jeunes auditeurs de m'excuser. Qu'ils sachent bien pourtant que je lis toutes leurs lettres, que je tiens compte de tous leurs conseils, que je transmets régulièrement leurs amitiés à Milou, à mes grands amis, le capitaine, le professeur Tournesol, et aussi à nos braves amis Dupont. Et ces vacances, Tintin, comment sont-elles passées pour vous? Très bien. bien, très très bien, merci. Je viens seulement de rentrer avec Milou et c'est pour cette raison que je n'ai pas pu être au salon de la radio et de la télévision l'autre jour quand vous avez eu votre première émission. Je le regrette vivement, vous savez. Cette fois, c'est promis, vous restez avec nous. Oh, promis, promis. J'ai tellement d'aventures à raconter à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, n'est-ce pas, Milou? Oh oui. Vous savez, Tintin, qu'on nous demande souvent qui est Milou. Milou? C'est moi. Eh oui, c'est lui. Milou, voyons, mais Milou, c'est mon inséparable compagnon, celui qui me suit dans toutes mes aventures, qui m'a sauvé la vie plusieurs fois, un chien unique, d'une intelligence exceptionnelle. Ah non, allons, Tintin, écoutez, n'oubliez pas qu'il est à côté de nous, vous allez le faire rougir, ce chien. Une chose encore, on nous demande très souvent des photos de vous. Est-ce que vous pourriez faire plaisir à nos auditeurs en leur envoyant des portraits de vous et de Milou? Chic. Allons, allons, veux-tu ne pas jouer à la grande vedette, toi? Non, mais tu veux. Là, vous l'avez vexé. Alors, ces photos, Tintin. Écoutez, me croirez-vous si je vous dis que je n'ai pas de photos de moi? Nous vous croirons parce que nous savons que vous ne mentez jamais. Merci. Et que vous êtes la modestie même. Merci, merci. Mais ce que je peux faire, et qui fera aussi plaisir à Milou, je l'espère, c'est de faire tirer des portraits de lui et d'écrire un petit mot pour chacun d'eux de la photo. Qu'en pensez-vous? Oh oui! Si cette solution convient à nos auditeurs, qu'ils nous le disent. Eh bien c'est ça, voilà. Et en attendant, vous ne voudriez pas nous dire ce qui va se passer samedi prochain dans le 3e épisode de Tintin au Tibet? Ah non, oh, si. Non, alors, non, si, je ne veux pas, si. Voyons, il vaut mieux que vous l'écoutiez vous-même. Enfin, vous verrez, c'est une aventure magnifique qui m'est arrivée naguère et que la RTF a tenu à reconstituer un studio pour tous ses auditeurs. Encore quelque chose à dire à vos amis? Oui, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont écrit avant et pendant les vacances pour me souhaiter des tas de choses agréables. Tout cela me touche beaucoup, croyez-le bien. Qu'ils continuent à m'écrire quand ils en ont envie. Toutes leurs lettres me sont régulièrement transmises par la RTF. Encore un petit mot. Quand vous voulez bien m'écrire, je vous en prie, ne vous croyez pas obligé de joindre un timbre pour la réponse. Je crois maintenant que l'heure est venue de nous séparer, Tintin, mais nous espérons vous retrouver très bientôt devant ce micro. Oh, c'est toujours avec plaisir que je participerai à votre petit courrier. Merci. Bon, eh bien au revoir, à bientôt, très bientôt. Allez, viens, Milou, au revoir. Au revoir. La radiodiffusion Télévision Française présente... Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation René Villemain. Aujourd'hui, Tintin au Tibet, 3e épisode. Tintin termine ses vacances en montagne avec Milou, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol. Séjour enchanteur pour tout le monde, bien qu'un peu fatigant pour Tintin, qui aime la montagne en sportif. Un soir, celui-ci a un cauchemar au cours duquel il voit et entend Chang, un jeune Chinois rencontré naguère, l'appeler à son secours. Le lendemain matin, une lettre de ce même Chang, datée d'une 8aine de jours, annonce à notre ami sa venue en Europe. Il voyagera en avion, en passant par l'Hindoustan. Or, nos amis apprennent par le journal qu'un appareil commercial vient de s'écraser dans les montagnes du Népal. Ils pensent tout à coup au jeune Chinois et découvrent, en relisant les journaux, que Chang est mort, ainsi que tous les passagers de l'avion. Pourtant, après un bref moment d'abattement, Tintin réagit et, se rappelant son rêve, déclare à ses amis que Chang est vivant. Puis il fait part au capitaine de son intention d'aller au Népal. Chang! Quoi? Oh mon Dieu! Chang, ici! Je t'ai déjà défendu 100 fois de t'approcher des chiens de rue! Oh, mille sabords, c'est un chien! Mais là! On n'a pas idée de donner un nom chinois à un chien. Et pourquoi pas après tout? Vous voyez bien que c'est un pékinois. Allons, allons, venez capitaine, venez. Mais attention Milou, tu ne restes pas sans arrêt dans les jambes, voyons, allez avance. Et écoutez-moi Tintin, si votre ami Chang n'était pas mort, l'expédition de secours l'aurait retrouvé. C'est pas sûr capitaine, c'est pas sûr. Oh, pas sûr, pas sûr, bon, admettons. Mais si... Chang hein? Oh non, non, une femme de chambre. Oh, vous pouvez pas éternuer autrement, vous? Bah, excusez-moi, monsieur, mais j'ai un rhume de cerveau. Oh, rhume de cerveau, rhume de cerveau. Bah oui, monsieur. Alors, alors, capitaine, calmez-vous, voyons, ce n'est pas sa faute. Oh, pas sa faute. Bon, enfin, c'est malheureux tout de même, ça, mais ce que... Allons, voilà ma chambre. Allez, entrons, on ne l'entendra plus. Après vous, capitaine, je vous en prie. Merci. Alors, vous êtes toujours décidé? Plus que jamais. Je suis persuadé que Chang est vivant. Et comme je le crois vivant, je pars à sa recherche. Voilà, c'est simple. Voyons, ma valise sur l'armoire. Et moi, je vous dis, tête de mule, partez pour le Népal. Partez pour Tombouctou, pour Vladivostok, ça m'est égal, mais vous partirez seul. Vous m'entendez? Seul! Moi, c'est non, non et non. Et quand je dis non, c'est non. Bien, bien, comme vous voudrez, capitaine. Mais vous ne me refuserez pas de m'aider à faire ma valise. Allons. Tenez, vous voulez passer mes affaires? Tenez. Sur le placard, là, voilà. Voilà vos pyjamas. Merci. Vos mouchoirs. Oui, merci. aux serviettes et gants de toilette. Merci aussi, là. Tenez, les chaussettes. Je suis dans la salle de bain. Le Népal, le bout du monde. Et pourquoi, hein? Pourquoi? Oh, tonnerre de Brest. Bon cœur et mauvais caractère, tel est, vous le savez, le portrait moral de notre capitaine. Il crie, hurle, tempête, comme il convient à un vieux loup de mer, et puis la bourrasque s'éloigne et on est alors devant le meilleur des hommes. La preuve, deux jours après cette scène, nous retrouvons Tintin, Milou et Haddock à l'aéroport de New Delhi, siège du gouvernement indien. Ils débarquent. Hello, hello, please, passengers to Calcutta, will you proceed to immediate departure? Hello, hello, le passager à destination de Calcutta. Oh, tenez, venez, nous allons demander à cette hôtesse de l'air. Pardon, mademoiselle, l'avion pour Katmandou, s'il vous plaît. Katmandou, oui. Le départ a lieu cet après-midi à 14h35, avec escale à Patna. 14h35, parfait. Ça nous laisse largement le temps de déjeuner. Sans doute, mais l'appareil de Katmandou part de l'autre aéroport, celui de Willingdon. Aïe. Ah oui, mais le car de la compagnie peut vous y conduire, à moins que... À moins que, pardon. Eh bien, peut-être préférez-vous mettre ces 3 heures à profit pour visiter la ville. Elle en vaut la peine. C'est une bonne idée. Soyez à l'aérodrome à 14 heures. Vous y retrouverez vos bagages. Merci beaucoup, mademoiselle. Ouais, nous allons suivre votre conseil et visiter la ville. Merci. Au revoir, mademoiselle. À votre service, monsieur. Et voilà nos amis déambulant dans la vieille ville de Delhi. Rues étroites et bruyantes, échoppes et bazars devant lesquels pendent des enseignes dont on essaie de deviner le sens. On y lit de l'anglais et aussi cette curieuse écriture indienne faite de lettres qui ressemblent pour nous à de petits morceaux de vermicelle. Haddock, Tintin et Milou regardent, s'amusent. Ils n'oublient pas les monuments célèbres. La Kutub Minar, grès rose et marbre blanc, tour de 71 mètres de hauteur. Le Fort Rouge, devant lequel ils sont assaillis par des hommes en turban, se disputant l'honneur de les guider. Offre que le capitaine décline d'ailleurs poliment, en regardant tout à coup sa montre. Hélas, les heures ont passé, et il faut maintenant gagner l'aérodrome de Willingdon au plus vite. Eh bien, il nous reste encore à voir le Jama Mashi, et surtout le monument dédié à la mémoire de Gandhi. Désolé, fiston, mais nous avons tout juste le temps de sauter dans un taxi et de filer à l'aérodrome. Ah oui, eh bien allons-y, mais c'est dommage, que de merveilles dans cette ville. Prenons par ici, ça doit être la bonne direction. Oh, je vous fais confiance, capitaine. Moi, je suis incapable de me repérer dans ce dédale d'avenues, de rues et de ruelles, vous savez. Tiens, un attroupement là-bas, devant cette porte. Bah, qu'est-ce que ça peut bien être? Un accident? Une bagarre? Ah, nous allons voir, c'est sur notre chemin. Oh, oh, regardez, capitaine. Une vache. Eh oui. Elle a bien choisi l'endroit. Couché en plein milieu de la ruelle, pas moyen de passer. Mais regardez, tout le monde paraît attendre son bon vouloir. Allons, allons, Milou, tais-toi. Tais-toi, attendez, je vais voir ce qu'on peut faire. Hein. Dites-nous, mon brave, ne pourrait-on pas faire circuler cette vache? Nous sommes pressés. Elle, vache sacrée, Sahib. Vache sacrée. Yes, Sahib. Pas dérangé. You, toi, attendre, elle s'en aller. Eh bien, c'est gay, pour peu qu'elle ait envie de dormir ici. Attendre, Sahib. Attendre, attendre, vous en avez de bonnes. Notre avion part dans 25 minutes. Mais comment faire, capitaine, alors? Oh, bah, c'est bien simple, il suffit de l'enjamber, vous allez voir. Vous croyez? Oui, toi, mignonne, hein? Gentil, pas bouger. Oh, les belles cornes. Attention, Sahib, hein? Attention. Doucement, capitaine, je vous en prie. Mais laissez-moi faire, vous allez voir. Une jambe d'abord. Voilà, pas de blague, hein? Prenez garde, capitaine, descendez vite. Arrêtez! Stop! Ramponnez-vous! Ramponnez-vous, j'arrive! C'est la première fois que le capitaine Haddock participe à un rodéo, mais de la façon dont ça a commencé, on peut être sûr d'une chose, il n'ira pas loin. Les Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langey, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, Frédéric, la femme de chambre, Caroline Claire, l'hôtesse indienne, Teddy Billis, l'indien, et Milou. Prise de son, Jean Jusforg, bruitage et effet sonore, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri, réalisation René Villemet. Et maintenant, juste un petit courrier qui nous permettra de donner, comme promis, les résultats de notre concours du Salon de la radio et de la télévision. Vous étiez nombreux à répondre aux questions posées par le capitaine Haddock et les Dupont-Dupont. Vous l'étiez encore plus à remplir les questionnaires imprimés à votre intention. Bravo, d'abord, à tous ceux qui se bousculaient autour des micros le 22 septembre à la porte de Versailles. Ceux-là, enfin les plus perspicaces d'entre eux, ont reçu sur place les albums Tintin et les disques prévus. C'est ainsi que 35 prix ont été distribués à l'occasion de ces jeux. Pour le fameux questionnaire aussi, il y avait des albums et des disques. Mais il y avait surtout le gros prix, un poste transistor. Ces questionnaires ont été dépouillés, étudiés et notés. Le classement est le suivant. Écoutez bien, nous commençons par la fin si vous voulez bien. 13e prix, Philippe Besançon, 12 ans et demi, qui recevra Objectif Lune, ouvrage qui sera adapté pour la RTF et passera sur les antennes dès la fin du mois d'octobre. 12e prix, Henri Varro, 10 ans et demi, L'affaire Tournesol, aventure également prévue sur les programmes de la radio officielle cette année. 11e prix, Marc Chapeau, 13 ans. Pour lui, une aventure sud-américaine, L'oreille cassée. 10e prix, Philippe Bénard, 13 ans, qui recevra Coq en stock. 9e prix, Jean-Paul Bernard, 13 ans également, L'affaire Tournesol. 8e prix, Daniel D'Alex, 15 ans, Tintin en Amérique. 7e prix, Gérard Bastelli, 14 ans, Tintin au pays de l'or noir. 6e prix, Jean-Jacques Carreras, 14 ans, L'étoile mystérieuse. 5e prix, Claude Maréchal, Coq en stock, ainsi que Alain Folgoas, classé 4e. 3e prix, Jean-Louis Julliard, 9 ans, qui va recevoir un livre des aventures de Tintin et un album disque. 2e prix, Jean-Jacques Hens, 14 ans, un album Tintin et un livre disque. Enfin, notre grand premier prix, qui gagne le poste transistor offert par la RTF, c'est Philippe Carreras, qui a 10 ans et habite rue du Mont-Cenis. Bravo Philippe. Bravo à tous, bravo évidemment à ceux qui ne font pas partie de ce palmarès, mais dont les réponses nous seront très utiles néanmoins. Ils se rattraperont certainement à l'occasion de prochains concours. À ce propos, dites-nous vite ce que vous pensez de cette idée de petits jeux très courts qui suivraient nos feuilletons. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et dans les deux cas, évidemment, pourquoi? Dites-nous aussi ce que vous pensez du nouvel horaire. Bref, ne craignez jamais de nous écrire pour nous dire tout ce que vous inspire les aventures de Tintin présentées par la RTF. Sur ce, nous vous disons à bientôt, bon dimanche et à mardi prochain pour le 4e épisode de Tintin au Tibet. Au revoir. Au revoir. La radiodiffusion télévision française présente... Les aventures de Tintin d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langey. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation René Villemet. Aujourd'hui, Tintin au Tibet, 4e épisode. Une nouvelle aventure a donc commencé. Et bon gré mal gré, Tintin a, cette fois encore, remorqué à sa suite le capitaine Haddock, Milou complétant évidemment le trio célèbre. Après avoir fait un rêve prémonitoire, notre jeune reporter a décidé de retrouver son ami, le jeune chinois Chang, mort dans un accident d'aviation survenu dans les montagnes du Népal au nord de l'Inde. Profitant de l'escale de New Delhi, nos amis visitent la ville. Mais, au cours de cette promenade, le capitaine, enjambant une vache sacrée qui barrait le chemin, se trouve entraîné, malgré lui, dans un rodéo infernal. La vache, en effet, s'enfuit par la ville à une allure folle. Heureusement, ses cornes sont solides et Haddock s'y cramponne farouchement. Arrêtez! Oh, stop! Oh. Ma parole, c'est une vache de course! Oh, hé! Hey, la voiture! Oh, évitez. Mais à droite, à droite. Oh, oh. Stop. Arrêtez. Oh. Arrêtez. Oh. Arrêtez. Oh. Où allez-vous comme ça? Mais je ne sais pas. Demandez à la vache. Aïe. Oh. Oh. Oh, cette fois c'est fini. Un embouteillage. Mais à gauche, toi. À gauche sur le trottoir. Non. Non. La vache a renaclé devant l'obstacle. Une magnifique voiture décapotable rouge, c'est un taxi. La vache s'arrête net, mais Haddock a continué son chemin, lui, dans une trajectoire qui aboutit sur la banquette arrière du taxi. Où faut-il conduire le sahib? Le sahib va... voyons, où allais-je? Tonnerre de reste. Ah, ça y est, je vais à l'aérodrome. Lequel, sahib? Ah, lequel? Celui de Vinistan. Willingham. De Dodogne. Willington. C'est ça. Parfait, sahib. Oh. Un instant, j'attends un ami. Le voilà, justement. Tenez là-bas, derrière. Mais vite, vite, Tintin, l'avion va partir. Oh, j'arrive. Mais votre vache, elle est en train d'enfer. Oh, oui. Vite, montez, toi aussi, Milou. C'est ça. Oh, il n'y a plus une minute à perdre. Hein. Mais quelle idée aussi d'enjamber une vache. Bon, ben, nous reparlerons de cet incident plus tard. Hein. Chauffeur, à l'aérodrome, et vite. Notre avion part dans un quart d'heure. Vous l'aurez, sahib. Oh là là là, quelle aventure. Un peu plus, elle finissait à l'hôpital. Eh oui. Heureusement que la vache a choisi pour vous déposer un taxi décapotable. Hein. Très drôle. Alors ne vous fâchez pas, tout s'est bien terminé après tout. Oui, vous avez raison. Dans quelques instants, nous serons en l'air. Et nous volerons vers Katmandou. Aïe! Mais oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon œil! Oh, j'ai quelque chose dedans. Oh, tonnerre de presque, ça fait mal. Attendez, qu'est-ce que c'est? Mais je ne sais pas, moi, un insecte, une poussière. Oh, j'en peux plus. Oh, ça fait mal. Chauffeur, arrêtez. C'est ça, arrêtez. Bien, sahib. Oh, ça fait mal. Bon, et maintenant, faites voir. Attendez, là. Regarde, essayez de regarder en l'air. À gauche, maintenant. À droite. Je ne vois rien, moi. Allons, chauffeur, en route. Oh, ça doit être sous la paupière. Oh, comme j'ai mal. Oui. Eh bien, ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Ma casquette qui s'est envolée. Oh là là là là, chauffeur. Oui, sahib. Arrêtez-vous, je vous en prie. Je vais vous la chercher, moi, votre casquette. Si ça continue, sahib, nous n'arriverons jamais à l'heure. Oh, vous ne pensez tout de même pas que je vais abandonner ma casquette? Elle m'a suivi et me suivra partout, compris? Oui, sahib. Tenez, la voilà votre casquette. Allons-y. Merci, fiston. Oh, mon œil. Eh bien, on tâchera d'arranger ça dans l'avion. Oh, si on l'a, il décolle dans 2 minutes. Nous arrivons, sahib. Voyez là-bas. Mais ma parole, les hélices tournent déjà. Mais vite, plus vite, voyons. Oh, pourvu qu'ils nous attendent, il faut encore récupérer nos valises. Ah, ça y est. Tenez, chauffeur, voilà pour vous. Oh, merci, sahib. Merci beaucoup. Oui. Bon, et maintenant, au pas de course. Allez, venez, capitaine. Viens, Milou, cours vite. Allons, devant, passe devant. Le temps de prendre leurs valises et nos deux amis foncent vers l'appareil de l'Air India. Le capitaine monte par erreur sur une passerelle qui se trouve au milieu du terrain, mais sans avion derrière. Tintin revient alors sur ses pas pour l'aider à se relever. Et quelques instants plus tard, dès que l'avion a décollé, l'hôtesse de l'air pose sur le visage de notre infortuné capitaine des bandes de sparadrap. Ça tire. Ne bougez pas, monsieur. Après, nous regarderons ce que vous avez sous la paupière. C'est ça, mademoiselle. Merci beaucoup. Allons, capitaine. Laissez-vous faire, voyons. Mais je me laisse faire. Je suis la docilité même. La douceur et la patience personnifiées. Tout le monde le sait. Là. Maintenant, ouvrez l'œil. N'ayez pas peur, ouvrez. Bon, ne bougez plus. Milou, ne te moque pas, voyons, ce n'est pas charitable. Doucement. Oh là. Oh, ma paupière. Ma pauvre paupière. Aïe. L'hôtesse de l'air réussit, après un bon moment, à retrouver sous la paupière du capitaine la poussière qui y avait cherché refuge. Du coup, Haddock retrouve sa bonne humeur et le voyage se poursuit dans les meilleures conditions, dans le ciel de l'Inde, puis au-dessus du Népal. Arrivée à Katmandou, la capitale népalaise, nos amis se rendent chez le chef de l'aéroport et lui expliquent le but de leur voyage. Hola, Kolkata, Aïskavudin, Krishna, Voilà, monsieur. Nous sommes des amis du jeune chinois Chang, une des victimes de la catastrophe du Gossintin. Et que puis-je pour vous? Eh bien, nous voudrions, mon ami et moi, nous rendre sur les lieux de l'accident. Pouvez-vous nous aider à réaliser notre projet? Mais pourquoi voulez-vous... Monsieur, je sens... Je sais que Chang n'est pas mort. Pas moyen de lui ôter cette idée-là de la tête. C'est une obsession. Non, je vous en prie, capitaine, n'ont pas recommencé. Je sais que Chang est vivant et je veux absolument aller à sa recherche. Mais c'est du folie. Vous voyez bien. Écoutez-moi, cher monsieur Tintin. Non, je vous écoute, monsieur, mais Chang est vivant. Réfléchissez. Même si votre ami a survécu à l'accident, ce qui est invraisemblable, il est maintenant mort de faim, de froid, d'épuisement. Je me tue à le lui répéter. Monsieur, Chang est mon ami. Et malgré les apparences, je sens qu'il est vivant. Je veux essayer de le retrouver. J'admire votre courage. Pourtant, je dois vous avertir. Aucun guide de l'expédition de secours ne consentira à retourner là-haut. C'est trop dangereux. Alors, comment faire? Comment faire? Chang m'appelle à son secours. Il faut bien que j'y aille, voyons. Je vois que vous êtes vraiment décidé. Aussi, pour vous être agréable, je prendrai contact avec les Sherpas de l'expédition de secours. Oh, merci, monsieur. Merci infiniment. Ne me remerciez pas trop tôt, cher monsieur. Attendez plutôt de savoir où nous conduit votre nouvelle lubie. Oh, ça s'annonce bien, mille sabots. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langey, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, Teddy Billis, le chauffeur de taxi, Jean Péméja, l'agent, Pierre-Olivier, le chef de l'aérodrome, Sylvie Serliac, l'hôtesse, avec Milou. Ah, oulala ! Prise de son, Jean Jusfort, bruitage et effet sonore, Joé Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante, Michel Pietri, réalisation, René Villemain. Eh bien, Nicole, il nous reste quelques secondes qui vont nous permettre de répondre à notre courrier. Tout d'abord, des tas d'excuses aux signataires des lettres dont nous n'avons pas encore parlé. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous nommer tous. Quand vos lettres sont très détaillées, eh bien, mon Dieu, nous vous répondons par lettre également. Sinon, nous vous accusons réception ici. Ce soir, par exemple, nous adressons toutes nos amitiés et nos remerciements à Claudine de Villemoisson, à Claudine ainsi qu'à ses parents, bien entendu. Nous accusons réception de la lettre de Madame Batia en lui promettant une réponse personnelle pour très bientôt. Qu'elle ne nous en veuille pas d'avoir différé cette réponse. Un amical bonjour à la petite Béatrice Gallet de Nice. Et voilà la lettre très nette d'André Fourtier. Cher Tintin, je t'écris comme tu l'avais proposé et je réponds aux questions posées. Tes aventures me plaisent beaucoup, ainsi qu'à mes parents, mon frère et ma sœur, qui écoutent la radio. J'ai chez moi la collection complète des livres. Elle va peut-être bientôt s'augmenter d'un ouvrage, André, et nous te le souhaitons en tout cas. Suite une autre question très précise et très pertinente, question à laquelle nous avons répondu par lettre. Une poignée de main de la part de Tintin à transmettre à Michel Beuron de Boulogne. À André et Roger Vérité de Blida, toutes nos amitiés, une réponse à leurs questions. La réponse à la question, la voilà, c'est le grand comédien Jacques Dufilho qui incarne le professeur Tournesol. Compliment André pour ton classement, j'espère que tu apprécieras l'adaptation d'Objectif Lune. Cette aventure sera diffusée après Tintin au Tibet. La lettre d'un jeune auditeur prénommé Jacques, très confiant, écoutez bien Nicole, il a écrit sur son enveloppe simplement ces mots, Tintin Radio Française. Et ça nous est arrivé quand même. Tintin est un garçon évidemment très connu dans le monde entier, mais nos remerciements tout de même au postier. Bien sûr. Ce jeune Jacques nous demandait de reporter un peu l'émission dans la soirée pour que son papa ne manque pas le début. Il aime beaucoup nos histoires, ce papa, et affirme que c'est sa relaxation. Eh bien, j'espère que le nouvel horaire permette à ce père de famille de se relaxer au moins 3 fois par semaine, les mardis, jeudi et samedi. Thierry Daël est insatiable. Il voudrait des feuilletons Tintin le lundi et le mercredi. Il a obtenu un commencement de satisfaction puisque notre feuilleton a gagné depuis la rentrée 3 minutes par semaine, c'est-à-dire 12 minutes par mois, 120 minutes par année radiophonique, ce qui fait au bout de 10 ans... Arrêtons là, s'il vous plaît. Vous avez raison, d'ailleurs c'est l'heure, alors à très bientôt tous. Nous sommes toujours à votre disposition pour vous fournir les renseignements sur nos feuilletons, sur Tintin et sur tous les amis et ennemis que nous rencontrons au cours de toutes ces aventures. Faites-nous part de vos suggestions, donnez-nous des conseils, transmettez-nous les avis de vos parents, de vos amis, de vos voisins. À jeudi et bon courage. Au revoir. Au revoir. Thank you.